au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 13 au 20 décembre à 19h30. Informez-vous au 88 643 9833. Et c'est à moi. Ouais, ben c'est ça. Excusez-nous. Là. Je vais tout mettre la faute sur Bruno, puis c'est bien mérité. Il y a eu un petit caillot au cerveau, là. il a oublié le thème. Bon. Des choses qui arrivent, donc. Bienvenue à Terrain Incognita. Et évidemment, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. J'espère que tu fonds un peu, Bruno, là. Oui, ils font. Bon. Fonds pas trop. J'ai besoin de toi jusqu'à minuit, là, mais... Donc, deux bonnes heures de prog, à ne pas en douter. Et on a quelques nouveautés ce soir, dont le nouveau T-Club, qu'on a eu l'occasion de voir, je pense, mon Dieu, il y a 3 ans dans le cadre de la Convention Terra Incognita. Et il avait même joué à 2 occasions. Il avait ouvert pour la supplémentaire de RPWL de lundi, et puis il avait joué aussi le samedi. Ah, excusez, je reprends mon souffle. Bruno m'a donné des... Et puis, on va voir aussi le nouveau disque solo de Ricard. Là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Sojbloom, en tout cas. Le leader, le cerveau de Birdfish. Et bien d'autres choses. Donc, si Bruno peut revenir à la console, on va commencer avec The Tea Club. Et ça ne sera pas long. Je pense qu'il est encore en train, lui-là, de fouiller dans ses affaires. Il va peut-être... Non, mais de toute façon, il est trop tard. On y va donc, Bruno, on y va donc avec The Tea Club. Et puis, ben, installez-vous pour 2 bonnes heures de prog. Abraham! want to be away from here, away from the old God. I don't know how, I don't know why I've been such a fool. Please, please, I want to be away from here, away from the old God. I don't know how, I don't know why I've been such a fool. Thank you. state is cold. Oh, it's so strange that it's happening again. Our silence woke the east. Thousands thought dead are marching again. Cycle of hate, stupid is the human race. Our silence woke. Down and open your mind. Stand up and look at the world. Stand up just because you can. Tongue. cannot see. All of this belongs to you and me. The vast lands and the wide open sea. The wind whispered in the old pine tree. I am but a melody, beautiful yet hauntingly. I am you as you are me, and I will fly forever you. smoldering ashes, uncontrollable. I can see it burns in your mind. Flickering temper, still emotional. When hot blood surges into your face, so suspicious, unapproachable. Tell me, where is the friend I once knew? Be ambitious, be infectious though. Be again what you once used to be. Sentimental and insatiable. Leave the pain and deceptions behind. That's your vision. That's the consequence of your nature and of your love. Live it again. Live it again. Live it again. Live it Cette soirée vous est présentée par La Barberie. En tant que bénévole pour l'opération Nez Rouge, on a déjà... Cherché la rue Montmagny pour finalement se ramasser dans la ville de Montmagny. Chanter dans un resto pour réveiller une cliente. Trouver une maison avec une télécommande de garage. Aider le monsieur qui, à mi-chemin, s'est rendu compte qu'il avait oublié sa femme. Peu importe ce qui arrive, ça fait toujours des soirées mémorables. Ça finit toujours bien. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. 89 1 89 1 89 1 89 1 89 1 89. Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète? CKRL 89 1 89 1 89 1. Québec. Et oui, Québec 89 1. C'était Incognita avec Michel et Bruno jusqu'à minuit. On va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait... On va remonter tranquillement. Il y avait Sylvain d'un album qui a pour titre Living Backstage. C'est un disque en concert. En fait, un double album en concert qui a été lancé en 2008. C'est ça, pour souligner le 10e anniversaire du groupe. Et puis, ben, tant qu'à parler de Sylvain, ben, on va quand même mentionner qu'ils vont être à Québec le 22 mai au Centre d'art La Chapelle. C'est le groupe qui va conclure la 12e édition de Terra Incognita, le festival ou la convention selon les appellations. Et cette année, cette année, 2016, on va avoir trois journées de bons prog. Donc, on va commencer le vendredi 20 avec RPVL ou RPWL, qui présente un concert hommage, en fait, à Pink Floyd, un concert qu'ils ont présenté à plusieurs reprises là, en Europe. Ça s'appelle The Man and the Journey. C'est un concert hommage. En fait, c'est un concert hommage à un concert spécial que Pink Floyd avait présenté à quelques reprises en 1969, là, avec du matériel d'Uma Guma et de la trame sonore du film More. Donc, on ne remonte pas plus haut que ça. Ça va être vraiment le Pink Floyd psychédélique et je pense que ça va plaire à bien des gens. Et puis, le lendemain, on a entre autres RPVL ou RPWL qui revient le samedi avec son concert habituel. C'est-à-dire, ça va être de la dernière tournée du disque Wanted avec quelques surprises comme d'habitude. Et puis, on va avoir aussi Abel Gans, qui nous vient moi, je pense que c'est de l'Écosse. En fait, je vais dire Royaume-Uni, ça qu'on se trompe pas. Et puis, le samedi, c'est Inner Odyssey de Québec qui va ouvrir. Le dimanche, on va avoir, le dimanche le 22, on va avoir Kinetic Element. Et puis, c'est ça, j'en parle parce qu'on va en écouter une pièce dans quelques instants. On va avoir aussi, je pense que ça fait plaisir à bien des amateurs de prog italien, on va avoir Unreal City. Et ça va se conclure avec Sylvain pour leur premier passage au Québec, au Canada, et je sais pas pour les États-Unis, mais je pense qu'ils n'ont pas dû venir souvent s'ils sont venus. Donc ça va être une belle découverte de Sylvain. Et puis, je pense que ça va être une 12e édition, ça va être la meilleure. On dit ça à chaque année, puis c'est vrai à chaque année. Et on continue en musique. Donc, je vous disais, le Kinetic Element qui va nous visiter. C'est de leur plus récent, le Travelogue, un excellent disque. Là, je pense que j'avais été un petit peu sceptique avec le premier. Je trouvais que le chant est un peu bancal, mais pour celui-ci, ils ont vraiment... ils ont fait appel à d'autres chanteurs. Donc, des chanteurs invités. On écoute ça plus tard. Donc, Kinetic Element. On va avoir aussi le nouveau Leap Day qui s'en vient. Et d'autres choses, donc restez des nôtres jusqu'à minuit. Thank you. with great sensitivity, holding his head as a lover. None came so close intimately to ever leave with another. She's not deceptive at all. She cuts straight from the heart. No, she's not very subtle. And I'm not just playing that part. Ought to be free, seeking escape from her. Her voice in the night terrors. Her love releases ecstasy. But no child she wants bears. Her spite cuts viciously. Away with man before we're lost. Searching from behind anywhere. Mountain seas that have no cost. What's a rise? Don't take her there. Ought to be free, seeking escape from her. Escape. Constant thoughts, constant hope, shining hills, evolving lies, constant truth calling to me. Together one, apart the damned. She is my bond. Long for her, taste for her, I reach for her. Run with me, flee the fire, tear away the tears. Can she hear? Can she see? I am right here. keep constant time. Her beating heart is steady, and it is mine, it is mine. A chance just grasped, I am ready. Escape, escape to take. To one's true, to one's true liberty. One's nature not lonely to make. Hard to be free, seeking escape from her. How do I find me lost? Such great cost. The choice to arrive. Wayward men before were lost. Searching from behind, beware. Mountain seas that have no cost. What's wrong that I let her stare? Hard to be free, seeking escape. An ignorant drop in an ocean. knowledge out of reach. Amartya. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique urbaine. Soulfinger, les vendredis 18h30 avec Jean-Sébastien Grondin. 100% Dynamite, les vendredis 19h avec Jean-Baptiste Duvigneault et Golvendi. Dérapage, les dimanches 19h avec Patrice Drapeau-Bisson. Et Web Musique, les dimanches 20h avec Simon Roy. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vape Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapeclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vape Classique. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Il y a eu le Montignac, l'Oriental, l'Occidental, le Paléo, mais je pensais jamais qu'un jour, ça serait le régime forcé. Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias, donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital. En tant que bénévole pour l'opération Nez Rouge, on a déjà... Cherché la rue Montmagny pour finalement se ramasser dans la ville de Montmagny. Chanté dans un resto pour réveiller une cliente. Trouver une maison avec une télécommande de garage. Aider le monsieur qui, à mi-chemin, s'est rendu compte qu'il avait oublié sa femme. Peu importe ce qui arrive, ça fait toujours des soirées mémorables. Ça finit toujours bien. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. 89.1. Les chars soviétiques entrent dans Budapest. Un deuxième char le suit de près? Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on voit se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. CKRL.QC.CA. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone. Et de retour. Et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était un groupe hollandais qui a pour nom Leap Day. En fait, un groupe formé de musiciens de d'autres groupes comme King Eder, Flamborough Head. Et le titre du disque, c'est From the Days of Deucalion, Chapter 2. Donc, il y avait un premier chapitre. Et c'est, en fait, je pense que ce second chapitre me convainc plus que le premier. Quoique, écoutez, je suis agréablement et très agréablement surpris par ce disque. L'idée, je trouve que après chaque production, c'est il y a une amélioration constante et. Des gens qui appellent, bon, en fait, hein, qui étiquettent ce groupe de néo-prog, je trouve que c'est peut-être pas tout à fait la bonne étiquette. C'est vraiment, en fait, c'est on va appeler ça du prog, tout simplement. Donc, Leap Day, From the Days of Deucalion, Chapter 2. Et on avait débuté avec Kinetic Element, Travelogue, leur second disque, le plus récent. Et probablement, on va avoir droit probablement à l'ensemble du disque le 22 mai lorsqu'ils vont nous visiter au Centre d'art La Chapelle. Sans plus tarder, on continue une autre nouvelle. Ça, j'en ai quand même glissé il n'y a pas si longtemps, mais c'est un disque que j'écoute beaucoup de ce temps-ci. Abigail Ghost, un groupe de la Louisiane, qui nous arrive avec Black Plastic Sun, leur troisième, je pense, sauf erreur. Et. C'est un disque qui est un peu plus, entre guillemets, moi je trouve que c'est plus personnel que... Parce que le groupe a été souvent comparé à Porcupine Tree, mais là il y en a beaucoup moins de traces, je trouve, à mon goût. Et c'est probablement leur disque aussi le plus mélodique et le plus soigné, que je dirais. Donc on voit qu'ils ont beaucoup travaillé sur les arrangements. Et puis je pense que on va le prendre comme il est parce que je jasais avec le leader, Joshua, qui me disait que le prochain va être pas mal plus métal. Donc, ça, on va le prendre pendant qu'il est dans une période peut-être un peu plus calme. Donc, on y va avec Abigail Ghost, Black Plastic Sun. just tonight. When it gets hard, said no. mending the holes in my heart. One for each and every time we've grown apart. It's been stitched back up time and time again. Oh no, it's happening again. It's happening again. Trust me when I tell you the truth. I don't feel safe anywhere but in your arms. Can't you find the strength, love, to let me back into the realm of you and me against the world it used to be. Used to be so easy. I want you to see me. soirée vous est présentée par La Barberie. Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental. J'ai aussi essayé le Paléo, le 5-2, le Californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé. Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. De retour. Et on écoutait, on s'est promené pas mal, le dernier bloc, là, on écoutait, pour terminer, c'était de Psychédélique Ensemble, la petite touche là, de Jazz Fusion, ce fameux groupe mystérieux, le Psychédélique Ensemble, où on dit qu'il y a beaucoup de musiciens connus qui seraient dans ce groupe, et bon, ils travaillent tous sous de faux noms. C'est leur plus récent, The Sandstone. Et puis, on avait avant un groupe italien, Witchwood. Il y avait un petit côté un peu Uriah Heep par bout, là, l'orgue et la flûte. Là, ça me faisait penser à du vieux Uriah Heep. Mais le disque est récent, lui. Witchwood, Litanies from the Wood, ça nous vient d'Italie. Et on avait Ricard Sojoblum, j'ai de la misère avec ce nom-là. Là, en fait, le leader de Birdfish, de son disque The Unbendable Sleep. Elle faisait un petit peu Beatles comme ouais, je pense que oui, je me risquerais à dire jusqu'à ça fait un petit peu Beatles. La première d'ailleurs sur ce disque évoque pas mal les Who, la période Who's Next, et puis la première pièce qu'on écoutait me faisait penser il y a des bouts, on dirait un petit, il reprenait un peu les harmonies de Crosby, Stills, Nash. On peut dire que c'est inspiré des années 70. C'est un disque qui est moins, comment je pourrais dire, moins complexe que ce qu'il nous propose avec Birdfish, mais c'est vraiment le saut de qualité est toujours là. Donc, Rickard de Birdfish, son premier disque solo, je préférerais, parce qu'il a travaillé beaucoup avec sous d'autres noms que Birdfish, mais sous son propre nom, il me semble que c'est le premier. Et puis, on avait amorcé avec Abigail Ghost, Black Plastic Sun, un disque que moi j'écoute beaucoup de ce temps-ci. Et c'était la pièce There After, la pièce d'ouverture. Dernière demi-heure, cette fois-ci, on va aller faire un petit tour du côté de l'Angleterre avec Thief Kitchen. Et on a encore quelques autres surprises. Donc, restez des notes, et c'est notre dernier bloc musical, si on peut dire. Et Bruno, je pense qu'il a hâte de se coucher. Non, il me regarde, il faut que je l'agace un peu. D'accord, c'est parce que j'essaie de me revenger du tour qu'il m'a fait au début. Donc, dernière demi-heure, c'est Terrain Incognita, c'est KRLMF ou FM. J'ai des vieux réflexes qui remontent des fois aux années 80. Là. C'est KRL FM 89.1. her with a new pornographer. Exhaled emotion, breathed in silver, caught a chill and threw a curve. Cause she's a statue, cause she's a painting. Shrinking now. have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy, yeah. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Have mercy on us. Have mercy on us. Un petit clin d'œil pour l'autoroute qui s'en vient. On est allé puiser dans, je t'ai porté les années 70, mais c'est même pas les années 70, c'est les années 60. Spooky Tooth avec Pierre Henry, le disque Cérémonie. Je pense que peut-être certains vont se rappeler le Messe pour le temps présent. Et c'était spécial à l'époque, ça l'a encore aujourd'hui. Et puis, ben, Spooky Tooth s'est retrouvé en studio avec M. Henry, et ça a donné ça. D'ailleurs, à l'époque, quand les musiciens ont travaillé avec Pierre Henry, il y avait pas l'impression, eux ne pensaient pas faire un disque de Spooky Tooth. C'était, on joue avec Pierre Henry, et puis probablement que ça va paraître soit sous le nom de Pierre Henry ou une présentation, en fait, genre Pierre Henry et Spooky Tooth. Mais la maison disque a écouté, a tellement aimé qu'ils ont décidé que c'était pour être présenté sous le nom de Spooky Tooth, au grand désespoir là, du claviériste Gary Wright, qui lui disait « Si vous faites ça, c'est la fin du groupe. Ça va être un coup mortel. » Ça n'a pas été tout à fait le cas, parce qu'après ça, ils ont sorti de Last Puff, mais effectivement, ça cadrait peut-être pas tout à fait à l'époque avec ce que le groupe avait proposé avant. Et là, moi, c'est une de mes préférées de ce disque, mais il y en a qui sont un peu plus, comment je pourrais dire, ça joue un peu ses nerfs. Puis M. Henry, je pense qu'il avait peut-être pas le sens de la mélodie tout à fait. Là, c'était des expériences assez bizarroïdes sur le disque Barbou. Mais bon, en fait, moi, je garde un bon souvenir de ce disque-là. Puis, ben, c'était un clin d'œil pour Vincent qui s'en vient pour l'autoroute. Et avant, bon, on avait Billy Sherwood, si vous trouvez que ça ressemblait à du Yes, là, c'est Billy Sherwood de son disque Divided by One, dans le sens qu'il était tout seul pour réaliser, enregistrer, mixer et tout jouer, donc, et tout composer. Billy Sherwood qui a joué avec Yes, et je pense qu'il est d'ailleurs avec Yes là, présentement. Il y avait de Thief Kitchen pour ouvrir, et puis ben moi, c'est déjà le temps de vous dire bonne nuit. Et de vous inviter à nous revenir la semaine prochaine, puis restez des nôtres, il y a Vincent qui arrive dans quelques instants pour avec l'autoroute. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Ba-ba-ba-ba-ya! Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes.